Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission enregistrée en différé un peu plus tôt dans la semaine et qui cependant vous permet d'écouter quand même du contenu inédit et unique semaine après semaine. Quelques nouveautés dans l'émission de ce soir, d'abord des sorties scandinaves, Candlemass, Jevel. Des sorties plutôt anglaises avec le dernier album de Xentrix et autres formations ricaines, Casket Robbery par exemple, Esquela Grind, etc. etc. Qu'on prendra le temps de se découvrir tout au long des deux heures qu'on va passer ensemble. Cette entame d'émission, eh bien, c'est pareil, réunit une doublette qui avoisine les 70 ans d'expérience à deux. Tout d'abord, Kampfar, les Norvégiens qui nous sortent un toujours aussi qualitatif, nouvel effort studio, Till Clover Stacked, une sortie sur le label norvégien Indie Recording, donc 100% du cru nordique pour ce nouvel effort studio de Kampfar. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La recette est toujours la même, album après album pour Kampfar. Un black froid frontal, épique, et des textes en norvégien, le tout pour un 6 titres d'environ 5 à 8 minutes ultra solide pour chacune des compos et voilà, toujours un petit événement bien quali le nouvel effort studio de Kampfar dès qu'il sort. Et en doublette, les autres scandinaves de Candlemass, les vétérans du doom suédois qui nous sortent un Sweet Evil Sun chez Napalm Records. Voilà, 40 ans de carrière pour Candlemass qui sort son 13e album studio, 4 ans après le précédent, donc un toujours doom old school traditionnel avec des influences hard rock pour balancer un petit peu de tempo dynamique. Et donc à noter que c'est le grand retour du vocaliste d'origine, hein, Johan Lundqvist, qui était là sur le cultissime Epicus Domicus Metallicus en 86, qui a fait son retour en 2018. Et donc là, c'est son nouvel effort studio en compagnie donc de Candlemass, hein, puisqu'entre temps c'est Mesha Marcolin qui avait tenu le micro, et un certain Robert Lowe également. Candlemass, Sweet Evil Sun, on va s'écouter le titre de l'album, et juste avant ça, en ouverture d'émission, Kampfar avec le morceau Fandenstrahl, c'est parti. Et bienvenue dans l'émission, pardon. Yeah. Suivante, tout d'abord les Brutas Italiennes d'Anthropophagus, le groupe de Brutal Death qui nous sort un très très bon nouvel effort studio sobrement intitulé Origin. Une sortie Agonia Records, bah voilà, toujours la grosse quali et la grosse branlée, les efforts studio de Anthropophagus qui confirment album après album son statut de groupe ultra solide de la scène italienne. Of Prosperity and Punishment, c'est le titre qu'on s'écoutera. Et ensuite, d'une des toutes meilleures sorties hardcore de cet automne, l'Iricain de Inclination, qui nous sort un très très bon premier effort studio longue durée, Unaltering Perspective, du pur hardcore straight edge Made in USA. Et on s'écoutera le titre A Decision. un peu moins de nouveautés dans l'émission de ce soir, mais on en a quand même quelques-unes assez grainées, tranquillou. Une autre formation venue de Norvège, une autre formation qui nous fait du black, qui sort son album le 23 novembre. Djevel, Naskridern Natensort, c'est le nom de ce nouvel effort studio pour la formation venue du Grand Nord. C'est déjà le huitième effort studio, alors que le groupe n'a vu le jour qu'en 2009. Hyper prolifique, hein, les Norvégiens. On est sur du black norvégien assez traditionnaliste, hein, un peu à la sauce Kampfar, des textes également en norvégien, une approche crue, épique, et cependant, on peut rapprocher ça d'un Toqué en termes d'influence musicale. Un disque également très généreux, hein, 7 morceaux, mais 1 heure de son. Et au niveau du line-up, vétéran de la scène black norvégienne, hein, avec en tête de liste Faust à la batterie, ex-cogneur de Emperor et actuel Blood Tsunami, l'excellent groupe de thrash black norvégien. Voilà donc pour la nouveauté de cette doublette Djevel, qui sera accompagnée de Devin Thompson, le Canadien, qui nous sort un nouvel effort studio ultra qualitatif, même si pour le coup ça nous permet de vous diffuser de la musique un peu plus smooth. Lightwork, c'est le nom de ce nouvel effort studio. Et on écoutera le morceau Call of the Void. Et en doublette avec Devin, Djevel, donc le groupe norvégien, se crotte le morceau Krnetavnet Vepnet Ant. J'espère que vous êtes toujours aussi à l'aise que je le suis avec mon norvégien. C'est parti. Yeah. Ouais, je me répète, hein, des nouveautés, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même une sortie sur un label français, Listenable Records, Xentrix, vétéran du trash anglais. Petite histoire autour de Xentrix, hein, le groupe sort là son 6e effort studio, donc sur un label français, Listenable. Et le groupe a été actif entre fin 80 et fin 90, hein, où ils ont sorti 4 albums, les deux premiers sont d'ailleurs assez cultes dans le style. Il y a eu un split ensuite et ils sont revenus aux affaires il y a une petite dizaine d'années, une signature chez Listenable Records, un cinquième album qui a vu le jour en 2019, et donc là le sixième. On est sur du trash classique, bien exécuté, engagé textuellement. Musicalement on retrouve les influences trash Bay Area, signé Exodus Testament en tête. Et c'est d'ailleurs un peu le reproche qu'on pourrait faire sur ce nouvel effort studio de Xentrix, c'est que ça manque un peu de personnalité dans le son. Puisque ce nouvel effort studio, au niveau des manettes, derrière la prod, c'est Monsieur Andy Snip qui, comme de par hasard, est bien sûr sur la prod des derniers Testament et Exodus. Donc ça sonne un peu pareil. Du coup, la ressemblance est un peu trop proche, ce qui est un peu dommage en termes d'inspiration pour la formation anglaise. Mais bon, on va pas bouder son plaisir, ça reste quand même vachement cool. On s'écoutera le titre Seven Worlds, qui est le titre de l'album d'ailleurs, et en doublette avec Xentrix Dead Body. Ça, c'est une nouveauté qu'on vous a présentée la semaine dernière. On est sur du bon crossover avec un parfait équilibre hardcore death metal avec des ex ou actuels membres de Nails, God's Hate, AC/DC ou autre Despise You. C'est brutal, c'est crunch, ça groove comme pas possible et l'équilibre est vraiment parfait entre le hardcore et le Death. Dead Body, l'album s'intitule The Requiem, on s'écoute le morceau Wound Eternal. C'est parti, Xentrix Dead Body. Say them for the worst you- doublette suivante qui va nous permettre de faire un sacré grand écart géographique et stylistique. Droutk, tout d'abord, formation de Black Atmo, Epic Black, qui nous vient d'Ukraine, qui sort là son 12e effort studio en 20 ans d'existence. Entre guillemets, seulement 4 titres, mais qui font entre 8 et 15 minutes, hein, un album assez généreux. Voilà, avec musicalement quelque chose de toujours froid et mélancolique, typique du black de l'Europe de l'Est. All Belong to the Night, l'album est sorti chez Season of Mist, on s'écoutera le morceau November. Et en doublette, encore une nouveauté, ouais, même s'il n'y en a pas beaucoup, je sais que je me répète, il y en a quand même. Escuela Grind, ça nous vient des États-Unis, comme son nom l'indique, il y a du grind dedans. Un peu death, un peu power violence, sur fond de base punk hardcore. Actif depuis 2016, ils sortent là leur second effort studio. 9 titres qui font entre 1:30 et 3 minutes. C'est expéditif, mais c'est pas non plus ultra court comme ont tendance à faire les groupes de grindcore. Bon mélange de styles, hein, c'est violent, mais quand même assez élaboré. Ultra engagé dans les textes, et au niveau du line-up, on retrouve deux femmes. C'est une gueularde et c'est une guitariste également dans Escuela Grind. Et l'album s'appelle Memory Theater. On s'écoutera le titre Cliffhanger. Droutk, Escuela Grind, c'est parti. Yeah! We'll be right back. Et vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. C'est l'heure d'attaquer l'aspect française avec une doublette qui nous vient du... du grand sud-ouest. En étant un peu vache géographiquement parlant, on va pouvoir dire ça. Iron Flesh Mobutu. Iron Flesh tout d'abord, petit all-star band de la scène bordelaise, du bon death baveux qui nous sort un limb after limb bien efficace. Iron Flesh qu'on a eu à Tours il n'y a pas très longtemps, un concert au Cana, une soirée catharsis en compagnie de Putridophale. On s'écoutera le titre Overthrow of the Sermons of God. Voilà, Iron Flesh, allez découvrir si vous ne connaissez pas, c'est ultra quali. Mobutu, ensuite un des rejetons bâtards à la sauce française de Motorhead. Mobutu is back, c'est le nom de leur nouvelle EP. Donc voilà, du hard and roll bien motorhédien, un peu crassou sur les bords. Search the Rose, c'est le titre qu'on s'écoutera tout de suite, extrait du nouvel EP de Mobutu. Et c'est parti.